Je t'aimerai de tous les maux, à cheval ou sur le dos. Je t'aimerai, youpi li tra la la la. Je t'aimerai si tu me re-aimeras. Je t'emmènerai au fil de l'eau, voir les baleines du commandant Cousteau. Le ciel est bleu et il y a des petits osios. Avec moi tu verras comme c'est beau. Je t'aimerai de tous les maux, à cheval ou sur le dos. Je t'aimerai, youpi li tra la la la. Je t'aimerai si tu me re-aimeras. Mais je t'ai plu au fil de l'eau. Ton cœur déçu me dit que je suis même plus beau. Que mon amour pour toi te pèse trop. Que t'as envie de vivre autre chose. Et je t'en voudrais de tous les maux. Avec mes tripes et tes boyaux. Je t'en voudrais, youpi li tra la la la. Je t'en voudrais si tu revoudras pas de moi. Tu es parti au fil de l'eau. Ton corps sans vie gît au fond du ruisseau. Le ciel se reflète dans tes yeux morts, c'est beau. Tu es parti certes un peu tôt. Mais je l'avais dit de tous les mots. Avec des insultes et mes biscottos. Faut pas me quitter, youpi li tra la la la. Faut pas me quitter quand personne ne m'acquittera. Je t'aimerai de tous les maux, à cheval ou sur le dos. Je t'aimerai, youpi li tra la la la. Je t'aimerai si tu me re-aimeras.